Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Moïse jugé par la science. Ce qu'il faut voir dans Moïse, opinion des savants, Champollion, Buffon, Linné, Cuvier, Ampère, Marcel de Serres. Nous venons de faire ressortir l'accord si parfait qui existe entre la genèse et la géologie. Il y a réellement dans cet accord quelque chose qui étonne et qui confond la raison. Comment, toute science a eu ses débuts, disons le mot, son enfance, l'astronomie a été longtemps l'astrologie, et, hier encore, la chimie s'appelait l'alchimie. Et voilà que les livres saints sont d'emblée de véridiques et irréfutables annales. C'est qu'il ne faut pas voir seulement dans Moïse le biographe de l'homme et l'historien de la nature, il faut voir en lui par-dessus tout le chroniqueur inspiré des gestes de Dieu. Aussi sa grande image se dresse-t-elle, comme un phare splendide, au-dessus de l'abîme des temps, pour nous en dévoiler les mystères et nous en faire sonder les profondeurs. Ainsi s'explique ce concours de savants empressés à lui rendre justice et hommage. Écoutons Champollion. Je serais curieux, dit-il, de savoir ce qu'auraient à répondre ceux qui ont malicieusement avancé que les études égyptiennes tendent à altérer les croyances dans les documents historiques fournis par les livres de Moïse. L'application de ma découverte vient au contraire irrévocablement à leur appui. Écoutons Buffon. La description de Moïse est une narration exacte et philosophique de la création de l'univers entier et de l'origine de toute chose. Écoutons Linné. Il est matériellement démontré que Moïse a écrit, non sous la seule inspiration de son génie, mais sous la dictée même de l'auteur de la nature. Écoutons Cuvier. Moïse nous a laissé une cosmogonie dont l'exactitude se vérifie chaque jour d'une manière admirable. Les observations géologiques récentes s'accordent parfaitement avec la genèse sur l'ordre dans lequel ont été créés successivement tous les êtres organisés. Écoutons Ampère. L'ordre d'apparition des êtres organisés est précisément l'ordre des six jours, tel que nous le donne la Genèse. Où Moïse avait dans les sciences une instruction aussi profonde que celle de notre siècle, où il était inspiré. Écoutons Emerson. Nous ne pouvons trop remarquer cet ordre admirable parfaitement d'accord avec les plus saines notions qui forment la base de la géologie positive. Quel hommage ne devons-nous pas rendre à l'historien inspiré? Écoutons enfin Marcel de Serres. Si l'on considère que la géologie n'existait pas à l'époque à laquelle a été écrit le récit de la création, et que les connaissances astronomiques étaient pour l'heure peu avancées, on est porté à conclure que Moïse n'a pu deviner si juste que par suite d'une révélation. Tel est Moïse jugé par la science. Je m'arrête, car que pourrait ajouter quelques noms de plus à de si imposants témoignages? D'ailleurs, ceux-là même qui attaquent Moïse auraient peut-être divinisé son génie, comme celui des Socrate et des Marc Aurèle, s'ils n'avaient vu en lui en quelque sorte le précurseur du Christ. C'est que notre Seigneur l'a dit. Si vous croyez en Moïse, vous devez croire en moi, car c'est de moi qu'il a parlé. Jean 5, 46. Non, Moïse n'a pas plus besoin d'être défendu qu'il n'a besoin d'être vengé. Il brille d'un tel éclat, par la splendeur de ses œuvres, qu'on lui appliquerait volontiers ce que le poète a dit de l'astre du jour. Le Dieu, poursuivant sa carrière, versait des torrents de lumière sur ses obscurs blasphémateurs. Confère le franc de Pompignan, ôte sur la mort de Rousseau. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.